Donc, je vous invite de tourner au psaume que nous avons écouté ce matin, le psaume premier. Et ce matin, nous commençons notre série qui va durer maintenant jusqu'à la fin du mois d'août sur les psaumes. Mais tout de suite, vous allez voir qu'il y a une belle liaison, un bon lien entre le sermon sur la montagne qu'on a étudié pendant plusieurs mois et les psaumes. Donc, vous allez voir la façon que Jésus, selon Matthieu, s'est inspiré même du psaume premier pour les béatitudes. Donc, il n'est pas nécessaire de relire le texte parce qu'on a écouté le texte et on a prié. Mais ce matin, j'aimerais faire trois choses. J'aimerais faire une petite introduction sur la question, comment est-ce qu'on lit un psaume? Vu qu'on va être là-dedans pendant plusieurs mois, comment est-ce qu'on lit et comprend un psaume? Et je vais décortiquer mon tableau ici, dans deux secondes. Après ça, on va étudier le psaume premier. Et à la fin, comme on fait chaque dimanche, j'ai préparé une question. Et on va avoir un temps de discussion ensemble. Donc, c'est le culte de dimanche matin comme groupe biblique. Okay? Sauf qu'on n'est pas chez soi, on est chez nous. OK, donc voici les étapes qu'on va faire. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention ici. Mais je ne vais pas l'interpréter tout de suite. OK? Donc regardez-le en quelques minutes. Je vais l'expliquer. C'est notre image pour ce matin. J'espère, Alphonse, que tu as noté que j'ai apporté mes appuis livres africains. OK. OK. Bon. Qu'est-ce que c'est comme psaume? Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on lit la Bible, tout chapitre, tout livre n'est pas écrit de la même façon. Et on dit qu'il y a dans la Bible les différents types de littérature, comme il y a dans un journal. Vous savez que dans un journal, il va et il y aura un type de littérature dans un journal qui est plutôt un rapportage où le journaliste nous donne, à son avis, les faits. Mais dans une autre section, dans le journal, nous allons avoir les chroniques ou les éditoriaux où l'auteur prend une histoire et il donne son opinion. Et il va y avoir une section avec les mots croisés, avec un thème, et il faut décider quels sont les mots qui montent à un thème. Et nous savons implicitement que je ne lis pas un rapportage de la même façon que je lis un chronique, que je fais des mots croisés. C'est des types de littérature différentes, même dans un journal. Dans la Bible, c'est la même chose. Le mot technique pour ceci, c'est des genres littéraires. Dans toute la Bible, il y a 16 genres littéraires différents. Et un de ces genres, c'est la littérature des psaumes. Et il est évident que nous n'allons pas lire les psaumes de la même façon qu'on lit les évangiles. On ne lit pas les psaumes de la même façon qu'on lit les récits de la création. Il est évident qu'un proverbe va être lu et compris d'une façon différente qu'une généalogie. Donc, pendant l'été, pendant ces 4 mois, on va être dans le genre littéraire des psaumes. Et pendant notre étude, on va, avec les différentes personnes qui vont expliquer les psaumes, qui vont faire le partage, va aussi illustrer comment interpréter, comment lire et comprendre le psaume. Parce que fondamentalement, un psaume, c'est un poème. Mais un poème souvent accompagné de la musique. Et de cette façon, on l'appelle un psaume. Dans le psaltier, donc dans les 150 psaumes, il y a, même à l'intérieur des psaumes, des différents genres littéraires, des différentes poèmes ou façons de rédiger les poèmes. Par exemple, il y a les psaumes qui sont surtout des cantiques, des psaumes de louange, des hymnes, si vous voulez, où il y a un appel à l'adoration, une explication pourquoi il faut adorer. Et ensuite, ces raisons sont amplifiées. Le psaume 103, c'est un excellent exemple d'un psaume ou un hymne, un appel à l'adoration. À l'autre côté, il y a les psaumes de lamentation. Et le psaume 22 est un excellent exemple. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? Jésus a cité le psaume 22 quand il était dans le jardin avant sa crucifixion. Ensuite, il y a les psaumes de reconnaissance, où le psalmiste remercie Dieu pour quelque chose. On va examiner un des psaumes d'adoration et de reconnaissance la semaine prochaine, le psaume 150. Ensuite, il y a les psaumes de confiance. Ou, OK, psaume 22, psaume de lamentation. Le psaume 11, un psaume de confiance. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? Et le pauvre psalmiste, David, il est abîmé. Il se lamente. Mais le psaume 11, il est le grand guerrier. Je vais gagner, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et on dit, est-ce qu'il est schizophrène, David? Certains jours, oui. Ensuite, il y a les psaumes de souvenirs. Chose intéressante, il y a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 psaumes qui sont ce qu'on appelle les psaumes historiques, les psaumes de souvenirs. Le psaume 3 est un excellent exemple. Regardez ce qu'on appelle la souscription. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom, il se souvient de ce qu'il a vécu. Donc, on les appelle les psaumes historiques. Ensuite, il y a les psaumes qui mettent en évidence la royauté de Dieu, la seigneurie de Dieu. Ah, il y en a 3. Le psaume 20, le psaume 21 et le psaume 45. Qui est le psaume pour célébrer les noces du roi. Et je cite ces différentes littératures des psaumes pour souligner que même à l'intérieur du psaltier, on ne peut pas les interpréter tous de la même façon. Mais il y a une autre littérature, une autre genre littéraire, un autre type de littérature, et on appelle ces psaumes, les psaumes de sagesse. Le plus long psaume dans le psaltier, le psaume 119, 176 versets, est aussi un psaume de sagesse. Et le psaume premier, le psaume qu'on va étudier ce matin, est aussi un psaume de sagesse, qui ressemble beaucoup au proverbe. Mais à l'intérieur du psaltier, même à l'intérieur de ces genres littéraires, il y a des psaumes historiques. Ensuite, il y a une sorte de psaumes qui sont très particuliers. Du psaume 120 au psaume 134, on les appelle les psaumes des montées. Ça, c'était les cantiques que les Juifs ont chantés quand ils sont allés à Jérusalem. Ils ont monté à Jérusalem parce que Jérusalem était sur Ils disent une montagne. C'est un peu comme le Mont-Royal. Okay? Nos amis de l'Ouest canadien, ils rigolent lorsqu'ils voient nos montagnes québécoises. Okay? Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, Mont-Royal. Ah, vous appelez ça en montagne, vous autres. Oui, oui, oui. Venez voir nos rocheuses. Okay? Ben, c'est la même chose en Israël. Jérusalem est sur une montagne, mais c'est un petit boss. mais les gens chantaient en allant à Jérusalem, donc on les appelle les psaumes des montées. Donc imaginez, si vous êtes en train de monter une montagne, appelez à chanter, vous allez probablement raccourcir vos pensées parce que vous n'avez pas tout le souffle nécessaire pour tout dire. Et on va interpréter cette littérature un peu différent des autres psaumes. Il y a un autre truc dans les psaumes qui est intéressant. Tournez aux psaumes 9 et 10. Juste pour un instant, j'aimerais illustrer cette dernière aspect du genre littéraire ou le type de littérature. Psaume 9 et 10, dans le psaltier juif, nous avons le texte dans le psaltier ou dans les textes chrétiens, mais dans les textes juifs, le psaume 9 et 10 sont ensemble en hébreu. On les a divisés historiquement. Mais chaque verset du chapitre 9 et 10 commence avec une lettre différente de l'alphabet hébreu. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Donc, le psalmiste David, il a sorti son alphabet et chaque verset commence avec une lettre différente en ordre alphabétique de l'alphabet. Et dans le psaltier, le psaume 25, 34, 111, 112 et 145 sont écrits de cette façon. On les appelle les psaumes acrostiches, un psaume alphabétique. Et même le psaume 119, qui est le plus long, la façon que le psalmiste l'a rédigé, c'est qu'il a pris l'alphabet, mais plutôt de faire avec chaque verset une lettre différente, il a pris 22 strophes de 8 versets chaque et il a utilisé l'alphabet pour ces strophes. Maintenant, pensez-y. Quelle belle façon créative de rédiger un cantique. Mais en même temps, ça va limiter le contenu. Donc, on ne peut pas interpréter un psaume acrostiche ou un psaume alphabétique de la même façon qu'on va interpréter les évangiles. La structure est différente. Donc, en guise de intro, je voulais souligner cet aspect des genres littéraires avec les nuances, avec les psaumes historiques, les psaumes des montées, et il y a aussi les psaumes alphabétiques. Et pendant l'été, on va sélectionner certains psaumes dans ces catégories pour à la fois apprendre et voir la richesse qui se trouve dans le psaumetier. N'oubliez jamais ceci. Les psaumes, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Pour ainsi dire, le psaumetier, c'était le livre de chevet des premiers chrétiens. Ils aimaient les psaumes. Donc, ils les ont cités. Et ils les ont cités surtout pour souligner que Jésus est le Messie. Donc, n'oubliez pas cela. Maintenant, ceci étant dit, il y a une autre chose qu'il faut dire en guise d'intro. Comment est-ce qu'on est arrivé avec ces 150 psaumes? Qu'est-ce que c'est le psaltier? Maintenant, mon schéma. vous allez voir, en lisant les psaumes, que le psaltier est divisé en 5 livres. OK, je vous donne un exemple. Tournez au psaume premier. Dans ma Bible, OK, je vais l'illustrer. Dans mon édition, je ne sais pas pour la vôtre, mais ça dit les psaumes et après ça dit premier livre. L'avez-vous dans vos éditions? Oui, Pierre, là-dessus? Non, tu ne l'as pas, OK? Tournez au psaume 42 pour un instant. Alphonse, comment est-ce que le psaume 42 commence? OK. Dans mon édition, 2e livre. OK? Donc, et ensuite. Donc, voici ce qui se passe. Le premier livre, c'est les psaumes 1 à 41. Deuxième livre, c'est les psaumes 42 à 72. Troisième livre est court, 73 à 89. Le quatrième livre, c'est le psaume 90 à 106, encore petit. Et ensuite, le cinquième livre, c'est 107 à 150. Donc, probablement, le psalmiste a pris ses cantiques et il les a mis ensemble. Et vous pouvez imaginer, il y a toutes sortes de débats sur pourquoi est-ce que le rédacteur les a mis comme ça. OK, voici deux possibilités. La majorité de ces psaumes ont été écrits par David. Après 73, il y en a moins, beaucoup moins. Mais, dans le premier livre, sur les 41 psaumes, 38 sont écrits avec le « je ». Deuxième, c'est « nous ». Donc, c'est comme même David, lorsqu'il a compilé ses psaumes, on a des psaumes individuels et ici, ce qu'on appelle les psaumes communautaires. Et vous pouvez facilement deviner, ici, il y a beaucoup de psaumes de lamentation. Parce que souvent, on se lamente seul. OK? Ici, dans le quatrième et cinquième, la majorité, la vaste majorité de ces psaumes sont les psaumes de louange, un genre littéraire que j'avais souligné. Mais il y a une autre chose qui est fascinante. Vous vous souvenez, ce matin, on a chanté Elohim, Adonai, El Shaddai. Dans le premier livre, le nom Yahweh, le Dieu créateur, le Dieu seul. Son nom est utilisé 272 fois dans le premier livre. Mais, pas le Dieu créateur, le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de création, Elohim, juste 15 fois. Mais dans le deuxième livre, c'est l'inverse. Très peu de Yahweh, beaucoup de Elohim. Troisième livre, un tiers Yahweh, deux tiers Elohim. Les psaumes de louange, beaucoup de Yahweh, très peu de Elohim. Donc, il y a des gens qui pensent que le psaltier a été, la structure a été faite, pas simplement autour de David et les psaumes de lamentation et les psaumes de communauté, mais aussi selon qui est adressé. Et au mois de juin, je vais faire une étude avec vous dans le psaume 145, qui est un psaume alphabétique, mais c'est un psaume où le psalmiste nous explique comment louer Dieu. Et beaucoup de noms de Dieu se trouvent dans ce psaume. Le psaume 145, c'est le seul qui est intitulé psaume. C'est le seul. Donc, vous voyez, il y a des nuances. Donc, je fais ça en guise d'intro ce matin, juste pour nous mettre un peu dans l'arrière-plan de notre texte et la façon qu'il a été rédigé. Oui. Non. Oh non, Adonai est utilisé, mais pas souvent. Pas souvent. Non. Voilà, OK. OK, son premier. Voici une question à mijoter. On va en discuter lorsqu'on arrive pour notre temps de partage. Pourquoi le rédacteur a-t-il décidé de choisir ce psaume pour le premier psaume? Voici mon hypothèse. Maintenant, j'attire votre attention à mon illustration. Moi, j'aimerais vous proposer que le rédacteur du psaltier, est-ce David? Je ne sais pas. Est-ce que David était l'auteur du psaume premier? Oui. Mais est-ce que c'est lui qui a ramassé les 150 dans cette structure? On ne sait pas. Mais moi, je suis convaincu que le rédacteur a choisi le psaume premier comme un gardien pour ouvrir le psaltier, pour nous préparer pour ce qui s'en vient. Et il a choisi le psaume 150 pour conclure le psaltier. Mon illustration. Le psaume premier, c'est l'appui livre le tête du lion, du tigre. Un lion? Jaguar? Qu'est-ce que c'est, Alphonse? Jaguar, OK? Sandy et moi l'avons acheté lorsque nous étions au Cap, en Afrique du Sud. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, le psaume premier, c'est la tête du jaguar. C'est l'appui livre au début. Le psaume 150, c'est le cœur. Pour ainsi dire, le psalmiste nous prépare en disant, celui qui est heureux est celui qui fait deux choses. D'abord, il décide de ne pas faire quelque chose et il décide de faire quelque chose. Le psaume 150 que nous allons étudier la semaine prochaine, la personne qui a bien décidé au psaume premier est la personne qui est capable de bien louer Dieu d'une façon orchestrale. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Mais nous avons deux appuis-livres. Et lorsqu'on lit le psaltier, surtout le psaume premier, voici l'intro. Une personne qui suit Dieu a un choix à faire. Un choix de ne pas faire quelque chose et un choix de faire quelque chose. Un non et un oui. Une fois que ce non et ce oui sont décidés, pour terminer, il fête. Il loue Dieu. OK, mais ça, c'est la semaine prochaine. Le texte commence et tout de suite, vous voyez le lien avec le sermon sur la montagne. Heureuse la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, n'oubliez pas ce qu'on a découvert lorsqu'on a fait le sermon sur la montagne. L'invitation précède l'impératif. Donc, le sermon a été donné aux disciples qui avaient déjà accepté de suivre Jésus. Une fois qu'ils ont accepté l'infinitif, une fois qu'ils avaient accepté l'invitation, après ça, devient les choses à faire. On ne fait pas les choses pour être heureux. On est heureux parce qu'on a accepté l'invitation et ensuite, même chose ici. Le texte dit très clairement, ceux qui ont une relation avec Dieu, ils ont dit non et ils ont dit oui. Donc, on ne fait pas ces choses pour être heureux. On est heureux parce qu'on a fait ces choses. Donc, voici le lien. Et il est fort probable que Jésus s'est inspiré du psaume premier pour les béatitudes, parce que la structure est tellement semblable. Mais il y a trois, moi j'ai dit un nom. Il y a un nom en trois étapes dans le verset premier. Tout d'abord, il y a un qui et il y a aussi un quoi. Donc, il y a un nom par rapport à quelques personnes. Le texte les identifie comme les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Et dans les autres psaumes, nous pouvons facilement décortiquer qui David avait en tête. Moi, je vais les appeler les athées pratiquants. Pas nécessairement les gens qui ont dit « Dieu n'existe pas », mais dans leur pratique, ils agissent comme si Dieu ne vit pas. Est-ce que c'est trois sortes de personnes différentes? Est-ce qu'il y a une dégradation? Pas forcément. Je pense que les trois mots sont les synonymes. Mais en quelque sorte, c'est les gens qui vivent comme si Dieu ne vit pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, la personne qui est heureuse ne va pas marcher selon leurs conseils. Il ne va pas se tenir dans leur compagnie. Cette personne, elle ne va pas s'asseoir avec eux. Et vous dites, wow, il est radical, ce psalmiste. Pour cette raison, c'est une psaume de sagesse. Il y a un nom qui est très clairement dit ici dans le texte. Lorsque le psalmiste dit que cette personne heureuse ne marche pas selon le conseil des méchants, le psalmiste est en train de dire, il y a une façon de penser. Il y a une inclination dans notre façon de raisonner. Il y a une façon d'exercer notre volonté. Et une personne heureuse ne va pas penser comme les méchants. En plus, cette personne ne va pas flâner dans la compagnie des pécheurs. La personne heureuse ne va pas s'adapter à leurs valeurs. La personne ne va pas s'assembler dans leur demeure. Leurs attitudes ne vont pas être les siennes. Pour ainsi dire, la personne heureuse a décidé de ne pas suivre la voie des pécheurs. Et troisièmement, la personne heureuse, maintenant, ne va pas s'asseoir. Vous voyez le quoi? Marcher, se tenir debout avec, s'asseoir. Il y a trois étapes. Et le psalmiste dit très clairement, votre façon de penser, votre façon de décider, votre façon de pratiquer, ne doivent pas tenir compte de ces athées pratiquants, de ces personnes qui vivent comme si Dieu n'existe pas. C'est clair. C'est comme les proverbes. On a un choix à faire et le psaumiste dit, dis non. Dis non. Et peut-être vous allez dire, ben c'est bien beau de faire ça, mais soyons pratiques. Verset 2. Toute sa joie. Maintenant, la personne heureuse trouve sa joie dans l'expression ici, c'est la loi de l'Éternel, littéralement en hébreu, le Torah, la règle de vie. Toute sa joie, il le met dans la règle de Dieu et il le médite jour et nuit. Et maintenant, le psalmiste, il tourne vers le oui. Il a déjà explicité le non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, le qui dans le texte, c'est celui qui écoute. Et qu'est-ce que cette personne fait? Plutôt de penser, décider et pratiquer comme les athées pratiquants, maintenant, la personne heureuse, il trouve sa joie, il trouve son bonheur dans ce que Dieu dit. Et le psalmiste, il va un pas plus loin et il dit, il le médite jour et nuit. Le quand? Le psalmiste met très clairement que la personne heureuse est celui qui est orienté envers le Dieu vivant et il est imbibé, il est immergé, il est préoccupé par ce que Dieu veut et il le médite tout le temps. Mais voici ce que je trouve fascinant dans le verset 1 et 2. Il y a un non à trois étapes, mais il y a juste un oui avec une étape. Pour ainsi dire, le psalmiste n'a pas essayé de dire, afin de ne pas penser comme les méchants, afin de ne pas décider comme les pécheurs, afin de ne pas pratiquer comme les moqueurs, voici ce qu'il faut faire. Non, il a dit, il y a juste une chose à faire. Et ça, c'est de remplir notre coco, notre être, avec ce que Dieu veut. Pour ainsi dire, l'antidote à la pensée, à la pratique, aux valeurs des athées pratiquantes, c'est vraiment d'être préoccupé avec Dieu et sa façon. Donc, les influences décisives qui portent sur la pensée de l'être humain et qui gouvernent tout son comportement, selon le psalmiste, viennent de Dieu et sa parole. Ça, c'est la voie de sagesse. Un non et un oui. Maintenant, regardez ce que le psalmiste fait à partir du verset 3. Il illustre sa pensée. La personne heureuse prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'il en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. En contraste, tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, la balle, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Conclusion, car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Vous voyez la façon que le psaume a été construit? Verset 1, A, un non. Verset 2, B, un oui. Verset 3, le B est illustré. Verset 4 et 5, le A est illustré. Verset 6, B, la personne heureuse. 6, deuxième partie, A. A, B, B, A, A, B. C'est un poème. Mais c'est un poème avec musique et un poème pour faire un point. Si vous voulez être heureuse, si vous voulez être comme un arbre planté près de l'eau, si vous voulez que l'Éternel vous approuve, verset 6, l'Éternel veille sur la voie des justes, on peut le traduire, l'Éternel approuve la conduite des justes. Si vous voulez être heureuse, il faut trouver votre joie, il faut être préoccupé par Dieu et sa parole. Si vous ne voulez pas être heureuse, heureux, pensez, décidez et pratiquez ce que les athées pratiquants font. Vous serez comme la paille dans le vent. Vous allez vous trouver dans la ruine. Il y a un choix à faire. Maintenant, deux ou trois autres pensées avant que je vous donne ma question pour notre discussion. En soi, la vie n'est jamais aussi simple que ça. N'est-ce pas? La vie est un peu plus compliquée qu'un non et un oui. Des fois dans la vie, il y a énormément de gris. Mais n'oubliez pas, on est dans un chant, on est dans un poème. Et le psalmiste ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gris dans la vie. Mais le psalmiste veut dire que si vous voulez vivre avec le gris, dans le gris, il faut avoir dit oui d'abord. Et pour cette raison, les illustrations sont dans le texte. Souvent, pendant l'été, Sandy et moi, nous allons à l'île Sainte-Hélène pour balader. Une de mes parties préférées de l'île Sainte-Hélène, c'est le côté nord de l'île qui a été construit lorsqu'ils ont fait le métro et ils ont pris toutes les roches, toutes les grosses pierres et ils l'ont mis sur le côté nord de l'île Sainte-Hélène. Et on a une excellente vue sur Montréal, de ce côté-là. La chose qui me frappe, c'est que cette partie de l'île est en quelque sorte artificielle. Okay? Ce n'était pas là dès le début de la Nouvelle-France. C'est à cause de M. Drapeau. Mais lorsqu'on voit toutes ces grosses roches qui ont été mises là, on voit des arbres qui se trouvent dans les conditions environnementales exécrables. Il n'y a pas de sol. Le fleuve Saint-Laurent coule en cibole. Ils sont exposés au vent, exposés à la pollution, c'est un peu mieux maintenant, mais à la pollution qui était dans le fleuve Saint-Laurent depuis des décennies. Ils subissent des saisons montréalaises. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils fleurissent. Et chaque fois que je suis au bord du Saint-Laurent, sur l'île Sainte-Hélène, et j'étudie ces arbres, je dis, ça c'est le psaume premier. Parce que mes amis, on va se trouver des fois au bord du fleuve Saint-Laurent, où le fleuve coule en cibole, il y a beaucoup de vent, il y a des saisons différentes de la vie, Des fois, il y a la pollution. Les choses ne sont pas faciles. Mais quelqu'un qui a dit oui à Dieu et à sa parole s'épanouit malgré le gris autour d'elle. Tandis que on est au printemps maintenant. C'est loin d'être ma saison préférée à Montréal. Pourquoi? Parce que j'ai des petites allergies. Je suis un peu asthmatique. Comme moi, j'aime dire, la foi sans le 21 est nulle. Et qu'est-ce qui arrive avec le pollen? Ces petites bibites-là. Quand ils partent dans l'air, font énormément du mal pour les personnes avec les allergies ou avec l'asthme. Mais ils sont petits. Mais l'effet est néfaste. Et le texte dit, la personne qui n'a pas encore appris de dire non et de dire oui est comme le pollen. Et les effets sont néfastes, éparpillés par le vent. Et qu'est-ce qui arrive quand moi je poigne de pollen? J'ai du mal à respirer, mes yeux sont tout rouges, le nez coule comme le fleuve Saint-Laurent. Et je suis poigné. Et le psalmiste illustre la personne malheureuse avec la paille, la balle, le pollen. Et il arrive au verset 6 avec, dans le poème, une promesse. Si vous dites non aux athées pratiquantes, si vous dites oui à Dieu et à sa parole, vous êtes comme un arbre planté auprès du fleuve Saint-Laurent. Et le texte dit, l'Éternel approuve la bonne conduite des justes. On peut être assuré que malgré le fait que la vie n'est pas facile, que la vie implique beaucoup de gris, beaucoup de décisions difficiles, beaucoup de tralala. Si on a dit oui à Dieu et à sa parole, donc Dieu va approuver la conduite des justes. Sinon, le texte dit, mais le sentier des méchants mène à la ruine ou à la désapprobation de Dieu. Donc, voici ma question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de trouver votre joie dans les règles de Dieu et de le méditer jour et nuit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand vous écoutez le psaume, quand vous le lisez, quand vous écoutez le partage ce matin, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de trouver votre joie dans la loi de l'Éternel, dans la règle de Dieu, et de le méditer jour et nuit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pierre. Okay, bien dit. Donc, la parole de Dieu, sa révélation, devient notre point de repère principal. OK. Oh, oui. Pour toi, Alphonse. OK. Bien dit. OK. Cindy. Sandy et moi, nous avons une amie pour illustrer la vie. Il a dit, la vie est comme un jeu de billard. OK? La journée commence en shoot et les balles vont partout. Le jeu est joué. Mais à un moment donné, il faut rassembler les balles, les mettre dans le triangle et retrouver le centre. C'est une belle illustration. On ne peut pas vivre avec les balles sur le table de billard, tout est papier. À un moment donné, il faut recommencer. Donc, c'est bien dit. Okay. D'autres réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire de trouver sa joie dans les règles de Dieu et de la méditer jour et nuit? Daniel? Bien dit. Okay. Des fois, c'est ça que je fais. Des fois, quand je me sens down, je vais choisir un psaume de lamentation. Parce que ça me rappelle, je ne suis pas le seul au monde qui est down. Et le psaumiste termine toujours ses lamentations. Il refocalise pour repartir. Quand je suis dans la joie, je vais dans le quatrième ou cinquième livre du psaltier pour me réjouir en Dieu. OK. Donc c'est bien. Oui, oui. D'autres pensées, d'autres réflexions? Oui, oui, oui, Philippe. Oui, OK. Voici le petit défi que j'aimerais vous lancer pour cette semaine. Et je vais commencer avec ceci la semaine prochaine. J'aimerais vous inviter, cette semaine, choisir un psaume dans les 5 sections. Un psaume par jour. Et trouvez votre joie. Méditez le psaume à un moment donné dans la journée. Et la semaine prochaine, avant de faire le psaume 50, avant d'aller au queue du psaltier, j'aimerais vous entendre. Comment est-ce que vous avez trouvé votre joie dans le psaltier cette semaine? Comment l'avez-vous médité? Et je pense qu'une bonne façon de méditer un psaume, c'est de le mémoriser. Donc, peut-être pendant l'été, choisissez un psaume et essayez de le mémoriser. Mais n'oubliez pas, ce psaume nous met devant un choix. Une personne sage va dire non et va dire oui. Et nous tous, nous nous trouvons dans les situations cette semaine où il faut dire non Et il faut dire oui. Et le psaume premier nous invite de dire oui à Dieu et à sa parole.